incohérent qui fait qu'un tout s'écroule. Tu peux dire que c'est cool et que ça vaut le détour. Événement touristique comme la disparition de deux tours. La mouvance d'un quinca génère la vitesse d'un escargot. Un ring en champ de bataille en face de mon ego. Le miroir ne remplace pas l'aide de tes proches. Ils te tirent les mains des poches pour combattre ceux qui te raccrochent à la vie. Si tu veux mon avis, ils sont le coup de main pour mettre le pied à l'étrier. Ils sont le coup de poing indispensable pour te forger. Il faut se reconstruire. Il faut se reconstruire. Tu dois te rebâtir. Il faut que tu progresses. Ta force et la sagesse. Plus rien doit s'écrouler. Tu dois te dépasser. Fais confiance à ton destin. Avec les années comme de l'aspirine. Tu veux te former comme solution de la créatine. Amputer une partie toi-même, d'une partie ta chair. La souffrance est un sticker dont tu dois te détacher. Ta vie se construit, étape après étape. Étage après étage, sans mode d'emploi. Comme un meuble Ikea. Un coup de matraque dans le crâne et tu en perds la boussole. Seule ta foi peut te guider mais pas ton iPhone. Seule ta foi peut te guider mais pas ton iPhone. Il faut se reconstruire. Il faut se reconstruire. Tu dois te rebâtir. Il faut que tu progresses. Ta force et la sagesse. Plus rien doit s'écrouler. Tu dois te dépasser. Fais confiance à ton destin. Ne repousse pas chemin. Il faut que tu te reprennes en main. Surtout ne reporte rien à demain. Ne pense pas qu'au négatif. Sois juste un peu optimiste. La vie est faite avec des hauts et des bas. Laisse de côté ta peur, ne te retourne pas. Il faut se reconstruire. Il faut que tu progresses. Ta force et la sagesse. Plus rien doit s'écrouler. Tu dois te dépasser. Fais confiance à ton destin.